Poème 17. Paysage triste, partie 3. Promenade sentimentale. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. Le couchant dardait ses rayons suprêmes, et le vent berçait les nénuphars blêmes. Les grands nénuphars entre les roseaux tristement luisaient sur les calmes eaux. Moi, j'errais tout seul, promenant ma plaie au long de l'étang, parmi la saulaie, où la brume vague évoquait un grand fantôme laiteux, se désespérant, et pleurant avec la voix des sarcelles qui se rappelaient en battant des ailes, parmi la saulaie, où j'errais tout seul, promenant ma plaie, et l'épais linceul des ténèbres vint noyer les suprêmes rayons du couchant dans ses ondes blêmes. Et des nénuphars, parmi les roseaux, des grands nénuphars, sur les calmes eaux. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.